Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Salut Pascal, évidemment, on va recommencer nos chroniques régulières seules maintenant, parce qu'évidemment, la série finale est maintenant chose du passé. À un moment, ce qu'on enregistre, le podcast, c'est actuellement le défilé à Toronto. C'est pas mal le fun de voir ça, hein? Ben absolument, écoute, je suis vraiment content, Danny, pour tous les gens impliqués, pour la ville, pour le Canada. Écoute, c'est vraiment quelque chose qui a pris un peu les gens un peu par surprise, même la NBA par surprise. On savait que Toronto avait une excellente équipe, mais personne n'aurait pu penser qu'ils se seraient retrouvés dans une situation pour gagner le championnat NBA. On parlait qu'il y a certains analystes qui parlaient qu'il y avait peut-être une chance de se retrouver en finale, Danny. Ça, faut le dire. Ben ouais. Avec la venue de Kawhi Leonard, avec la saison qu'ils ont connue, mais de battre les Warriors et pour moi, on peut plus utiliser le mot dynastie pour Warriors. On peut pas. Ils ont connu de bonnes saisons, mais c'est pas une dynastie. Selon moi, c'est pas comme les Celtics ou même les Lakers avec 5 championnats ou 3 de suite avec Shaquille O'Neal puis Kobe Bryant. On peut parler d'une excellente équipe, mais ça a été une saison spectaculaire, une saison avec beaucoup d'intrigues et que Toronto gagne, c'est vraiment vraiment le fun. Ah, c'est vraiment le fun. Écoute, apparemment, j'écoutais Vince Cochon ce matin à Radio X, pas Radio X, au 91.9, puis il disait que les médias américains, ils prennent pas. Hein. Et ça veut dire qu'on met sur le. Si Kevin Durant aurait été là, puis si Klay Thompson aurait été là, et ainsi de suite. Mais finalement, écoute, on disait vendredi, il n'y aura pas d'Astérix hein, dans le livre de record dans 25 ans. On ne dira pas, ouais, mais si Kevin Durant aurait été là, si Klay Thompson n'aurait pas été blessé. Hein? Ben, on va pas loin d'ici, selon moi. Puis personnellement, je pense que Toronto a fait ce qu'il avait à faire. On peut pas les blâmer et je pense que je l'ai déjà mentionné, Danny, j'ai eu la conversation avec certaines personnes parce que Steph Curry a fait un commentaire par rapport à Kevin Love puis Kyrie Irving, qu'ils étaient blessés, comme quoi un championnat c'est un championnat et les blessures font partie de la vie des athlètes. Puis tu sais, Danny, dans l'histoire du sport professionnel dans les 40 dernières années, je suis pas mal convaincu qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont pas gagné un championnat ou qui en ont déjà gagné mais qui en ont aussi perdu peuvent parler. Même nous autres, juste avec les Canadiens, Danny, il n'y a pas une année où que Carey Price s'est fait blesser. On avait des aspirations pour gagner la Coupe Stanley, tu comprends? Ouais. Fait que les blessures font partie du sport, c'est la réalité du sport et ça n'enlève rien. Pour moi, ça n'enlève rien. Pour moi, Toronto sont les champions. Ils ont gagné la série 4-7. Ils ont démontré ce qu'ils pouvaient faire. 3 victoires à Oakland, faut pas l'oublier aussi. Exactement. Là. Ah non, exactement. Donc pour moi, moi en tout cas, il n'y a pas d'astérix. Ce sont des champions. Non. Ce sont les champions 2019. 3 victoires à Oakland, écoute bien, là, avec les Warriors qui avaient 45 victoires et 8 défaites avant ces séries. Là. Puis ils sont allés chez 3 gros matchs à Oakland. Pascal, là, on va faire de la chronique parce qu'on pouvait pas en parler avec Charles parce que Charles fait partie de l'organisation des Raptors. Ouais. Donc c'était dur d'en parler, mais là on est tous les deux là, faut en parler. Là, au moment où on a le podcast, évidemment, c'est le défilé, mais dès demain, j'ai l'impression que ça va commencer à travailler là-dessus. Qui reste, qui part, selon toi, chez les Raptors? D'abord, est-ce que Kawhi reste selon toi? Ça commence pas avec Kawhi, selon moi, ça commence avec Masai Ujiri, ouais, c'est vrai. Masai Ujiri. Ouais, ouais, c'est vrai, ok. On sait que les Wizards ont fait un offre assez musclé, très musclé, même, ça. Tout un offre au niveau financier, au niveau même des parts dans l'équipe. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Masai va décider. Je pense que Kawhi Leonard, en ce moment, sa décision, selon moi, est rendue beaucoup plus difficile avec ce championnat-là. Beaucoup de rumeurs l'envoient à Los Angeles, mais les Lakers. Faut pas oublier les Clippers également. Doc Rivers a fait des commentaires. Ouais, mais moi, j'ai entendu dans les dernières heures quelqu'un dans l'entourage de Kawhi Leonard parler des Lakers avec. Parce que, écoute, avant l'échange d'Anthony Davis, Danny. Ouais. Los Angeles, ça va l'air d'une organisation tout à l'envers. On est d'accord avec ça? Oh, ouais, ça, c'est clair. Mais là, ils viennent faire un méchant ménage. Ben, écoute, il reste cinq jours. La propriétaire a démontré qu'elle est capable de faire quelque chose. Rob Pelinka a démontré que. Fait qu'en ce moment, pour moi, les Lakers viennent de se replacer. Les Lakers viennent de se positionner, pour moi, top 4 dans la NBA en ce moment, avec la venue d'Anthony Davis. Et ça, tu maintenant, parles pas de Kemba Walker, tu parles pas. Parce que là, ils ont cinq joueurs sur contrat actuellement. Ouais. La décision, c'est est-ce qu'on va prendre le reste de l'argent puis signer une couple de joueurs à des contrats d'un an, un peu comme on a fait à Cleveland. Faut pas oublier que c'est pas nouveau, là. Mm. On a fait ça à Cleveland lorsqu'on a été chercher Kevin Love puis on a été chercher LeBron James. Maintenant, ce qui va se passer avec Kawhi Leonard, d'après moi, on devrait avoir une idée, Danny, dans les quelques jours qui s'en viennent. Okay. Moi, j'ai un feeling en ce moment qu'il va rester à Toronto. En tout cas, au moins pour une autre saison. OK. Il peut signer un contrat à court terme, d'après toi, un an ou deux? Il peut signer un contrat à court terme. OK. Et puis, une fois que Kawhi Leonard décide, Mark Gasol, il y a une option pour l'année prochaine. OK. Si Kawhi reste à Toronto, Mark Gasol garde son option. Écoute, c'est 31 millions quand même. Je pense pas qu'une équipe va y offrir ça, là. Ouais. Moi, je pense. Mais si Kawhi quitte, peut-être que Mark Gasol va sortir de son contrat pour demander un contrat de 3 ou 4 ans ailleurs, ou avec les Raptors. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais si Kawhi revient, moi, je pense que ça va changer la donne, même avec Danny Green. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Danny Green. Je pense que Danny Green est en train de son contrat aussi. Il pourrait se retrouver avec les Lakers. Je lisais que le Danny Green était, son avenir était relié directement à Kawhi. Ouais. Mais je serais pas surpris, moi, de voir un Danny Green se joindre avec les Lakers aussi. OK, OK. En passant, Danny Green sera à Montréal la semaine prochaine pour un camp de 2 jours. OK. Est-ce que ça va être plus couvert pas mal que j'imagine que maintenant, quand il va y avoir des joueurs de la NBA qu'avant? Ben, je pense qu'à quelque part, il va y avoir des curieux qui vont vouloir se présenter là. Ça, c'est sûr et certain. OK. J'ai mis la publicité sur mon Facebook en passant. Ah, OK. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Dis-moi maintenant si on y allait avec tu penses que Kawhi va rester à Los Angeles, à Toronto? Est-ce que tu penses que Masai va rester à Toronto? Hey, ça c'est dur à dire. OK. Je me mets à sa place avec tout l'amour que j'ai des Raptors. L'offre qu'il y a, c'est une offre pour sa retraite, exemple. Mm-hmm. C'est une grosse offre financièrement, des parts dans l'équipe. C'est quelque chose d'énorme. Il a payé ses 12 pour démontrer ce qu'il pouvait faire. Puis c'est quoi, Danny, disons la vérité, là, c'est très difficile de refaire ce que fait. Ouais. Okay. Donc, à quelque part, un nouveau challenge, un nouveau. Et je ne sais pas ce que Toronto est prêt à y offrir. Il y a une chose que je peux te dire. Est-ce que tu entends parler des propriétaires des Raptors, toi? Non, c'est tout amené par Massé. Non. C'est basé mais pour les Sports Entertainment. Exactement. Et ça, c'est une liberté qui vaut quand même qui a son pesant d'or. Ouais. On laisse Massé ou Jerry faire ce qu'il veut. C'est pas comme à Los Angeles avec Jenny Buss, Magic Johnson qui était président, Rob Pelinka. Masai Ujiri fait tout. C'est lui qui a carte blanche à Toronto. Mm. Pour que tu puisses faire l'échange de DeRozan, ensuite l'échange de Valanciunas, ensuite pas garder l'entraîneur de l'année, un méchant contrôle. Mm. Effectivement. Donc, Masai, tu sais pas, évidemment, tout part de là, mais qui négocie le Kawhi quand la situation de Masai est... Qui va négocier? C'est-tu Masai? Ah, ben, en ce moment, c'est Masai Ujiri qui va négocier pour Kawhi Leonard. Même si Masai lui-même, il ne sait pas s'il va rester. Masai doit faire son travail de directeur général, président d'organisation. OK. Ça ne peut pas être direct. OK. Exact. Par la suite, qui tu vois? Est-ce que Danny Green, tu me l'as dit, Danny Green avec les LA? C'est quoi? L'avenir des Raptors va être. Étroitement lié à Kawhi. Si Kawhi quitte, c'est clair qu'on s'en va en construction. Je pense que oui. Je pense que même si Kawhi quitte, je pense que si Kawhi quitte, on a quand même, on peut ramener un joueur autonome de gros calibre. On peut aller en chercher deux. Il faut pas obliger des joueurs comme Fred VanVleet. Ouais, qui lui a progressé beaucoup. Qui va aussi demander une extension. Pascal Siakam. Avec le succès d'Annie, puis tu sais, quand les Warriors ont commencé à gagner, on le disait, là, avec le succès de ces joueurs-là, et les offres des autres équipes sont là. Mm. Fait que c'est le fun. En réalité, tu as démontré tout ce que tu peux faire, ton développement d'organisation. Mais toutes les équipes dans la NBA sont en amour avec Van Fleet. Il y a même un Hubie Brown, le légendaire entraîneur, qui avait TNT, voté pour Van Fleet comme joueur de la série. Qui est à TNT, je pense, analyste à TNT, ouais, c'est ça? Et lui, il avait voté pour Van Fleet comme joueur de la série. OK, écoute, l'extérieur est excellent, Van Fleet, là, c'est vraiment excellent. Mais je pense que l'avenir des Raptors va être Pascal Siakam, hein, à partir de si jamais Kawhi quitte. Absolument, Pascal, il est encore sous contrat, ouais, l'année prochaine. Maintenant, à partir de là, est-ce qu'on aurait négocié quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on veut y offrir? Moi, je pense que Pascal Siakam est la priorité, selon moi, après Kawhi Leonard, pour dire, regarde, on déchire l'année prochaine, buddy, puis on te met dans les 20-25 millions par année. Okay. Parce qu'en passant, Pascal Siakam fait un maigre 1.1 cette année, je pense, puis 1.5 l'année prochaine. OK. Bon, fait que ça va être à surveiller, effectivement. Est-ce que tu penses que, je te dis ça même, là, c'est pas un clin d'œil comme ça, là. Vince Carter, c'est sûr qu'en fin de carrière, il sera en fin de carrière, mais il pourrait venir jouer une dernière année à Toronto? Non, je pense que Vince est bon pour une jeune équipe avec du développement, okay, pas pour les Raptors. Et je pense que comme organisation, on a vu ce que ça a donné à Los Angeles la dernière année de Kobe. Okay. C'était difficile, c'était pas facile pour les gens d'entour. Je pense qu'il est bien à Atlanta, a un petit rôle dans une équipe qui... Es-tu là? Pascal? Bien Atlanta, une équipe qui ne gagne pas nécessairement la porte championnat NBA. Je pense que c'est un joueur, dans le cas de Vin, ça serait peut-être plus nostalgique que le fun, mais je pense pas que ça serait bon pour Toronto au niveau de où ils sont en ce moment puis qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Mais okay, c'est sûr que si Kawhi s'en va, Gasol s'en va, puis on reconstruit, peut-être qu'on amène Vince pour une dernière année. Une dernière année, ça va dépendre. Tout est relié à Kawhi Leonard et Masai Ujiri. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on va savoir. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on fait une pause et on revient dans quelques instants avec la méga nouvelle de la semaine. Anthony Davis qui a été cédé aux Lakers de Los Angeles. Vous êtes à l'écoute de notre équipe Pascal Jobin sur les ondes de notre sport. Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On est dans sport.com avec Pascal Jobin. Pascal, on va maintenant parler de ce qui a marqué la fin de semaine dans la NBA. C'est pas la victoire des Raptors, mais c'est la nouvelle que Anthony Davis a été échangé aux Lakers de Los Angeles. C'est-tu moi ou c'est pas mal les joueurs qu'on avait parlé cet hiver quand toute l'histoire a sorti et que ça avait coûté la job au DG des Pelicans? Il me semble à quelque part que les Lakers ont payé très cher. Ils ont payé Brandon Ingram. Oui, trois choix de première ronde. Ingram, Ball puis Hart. Ouais. Avec trois choix, dont le quatrième, c'était dans ce repêchage-là. Ouais. Mais pour Anthony Davis, Danny, c'est pas payé cher pour moi. LeBron James est à sa 17e année. Ouais. Faut gagner maintenant. Anthony Davis se retrouve dans la ville où il veut être pour le reste de sa carrière. Fait, probablement qu'il serait la transition entre la fin de carrière de LeBron James et le succès d'Anthony Davis. Donc, je pense que ça fait beaucoup de sens. C'est clair et net que l'agent de Anthony Davis, qui est aussi l'agent de LeBron James, moi, je dis que c'est l'inverse, là. C'est LeBron James qui est l'agent de son agent. Les Celtics et les Lakers étaient les deux équipes que les Pelicans avaient un intérêt. Les Celtics ont refusé d'inclure Jason Tatum dans l'échange. C'était non, non, non. Et où est-ce que je suis vraiment impressionné de Rob Pelinka, il a été capable de garder Kyle Kuzma. Et quand tu parlais de l'échange pendant la saison, Kyle Kuzma faisait partie de l'échange. Donc, pour moi, Kyle Kuzma est un joueur potentiellement étoile. Fait que si on parle d'une troisième vedette à Los Angeles, Kyle Kuzma est pas loin de là. Avec un tir de trois points spectaculaire. Fait que je pense qu'on commence bien cette équipe-là à bâtir une équipe qui peut vraiment compétitionner. Parce que tu as un joueur comme Anthony Davis, Danny, que si LeBron manque un ou deux matchs, Anthony Davis peut couvrir ces matchs-là. Il faut pas oublier que LeBron, c'est sa 17e année, je me trompe pas. Donc, on parle de fin de carrière. Donc, c'est un bon échange. Puis, si on veut gagner maintenant pour LeBron James, il fallait faire cet échange-là maintenant. Il ne fallait pas attendre après Lonzo ou Brandon Ingram, qui est encore des joueurs à développement. OK. Mais pour les Pelicans, ils vont avoir un noyau intéressant parce que Zion Williamson est là. Après ça, t'as Okafor, t'as Julius Randle, t'as également Brandon Ingram, Lonzo Ball. C'est intéressant. Drew Holiday qui est un meneur. Ouais. On a une belle équipe avec des repêchages. On reconstruit à nouveau. On rebâtit l'équipe. Puis tu sais quoi? La venue de Zion fait qu'on peut se permettre de ne pas avoir Anthony Davis. La seconde que Zion va être repêché, la folie furieuse à Nouvelle-Orléans, on oublie Anthony Davis. Maintenant, lorsqu'on voulait faire l'échange à Noël, Danny, ce qui était difficile, c'est de faire un échange sachant qui qu'on va avoir, qui va remplacer au niveau de vedette, de star, l'équipe. On l'a. C'est pour ça que l'échange a été fait maintenant. Okay. La venue de Zion a fait qu'on a dit, you know what? On peut se débarrasser d'Anthony Davis, on a une vedette pour les 4-5 prochaines années. Et c'est intéressant. Moi, je pense que les Pelicans peuvent faire les séries l'année prochaine. Potentiellement, oui, tu as raison. Ouais, hein? Oui, ils sont capables, mais ça va être une équipe excitante à voir. Une équipe athlétique, Lonzo Ball, qui adore passer le ballon, Zion qui adore faire des dunks. Pour moi, c'est une équipe vraiment le fun à suivre. Et Drew Holiday va pouvoir jouer peut-être en position numéro 2. Être un gros marqueur. Drew Holiday, pour moi, c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe-là en ce moment, avec Julius Randle. OK. Les Lakers, ils ont seulement 5 joueurs sous contrat au moment où on enregistre le podcast. Est-ce que tu penses que, actuellement, tu penses-tu que on parle de Kemba Walker qui pourrait être le prochain également. C'est Kawhi ou Kemba Walker ou les deux? Pas les deux, au niveau de structure financière. Un des deux, c'est sûr que Kawhi est la priorité pour les Lakers. À partir de là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on va décider. Est-ce qu'on va aussi décider d'aller chercher 2 ou 3 vétérans de qualité? Ouais. Avec l'argent. Tu sais, il y a des décisions à prendre par rapport à cela, selon moi. Et c'est pour ça que d'avoir gardé Kyle Kuzma, si tu prends pas un joueur comme Kawhi, est-ce que tu décides d'aller re-signer Rondo, McGee, tu sais, de garder l'argent pour avoir peut-être quelques vétérans? Moi, personnellement, j'irais plus avec le côté, si on n'a pas Kawhi, Kemba Walker, je suis pas un fan de lui. C'est pas un joueur qui va faire gagner l'équipe. C'est sûr qu'un Kemba Walker avec LeBron et Anthony Davis, c'est probablement que ça, il connaîtrait toute une saison. Ouais. Intéressant de voir. Mais pour moi, si t'as pas Kawhi Leonard, peut-être que Kemba, ça serait intéressant, mais moi, je pense qu'il va re-signer avec la Nouvelle-Orléans, Charlotte. Michael Jordan va pas le laisser partir. Et je pense qu'il veut le garder vraiment à Charlotte. Okay. C'est là qu'on a le plus d'argent. OK. Dis-moi, si on parlait maintenant de est-ce que Frank Vogel est un entraîneur assez qualifié pour être capable de tout gérer sa gang d'égo-là? Absolument. Ouais. Il y avait une équipe avec David West. Il y avait une équipe avec Paul George à l'époque, là, où on cognait à la porte du Heat de Miami. Là. Donc, il a amené son équipe se contrer contre LeBron. Moi, je pense que c'est pas une star, c'est pas un coach vedette hollywoodien, mais c'est un excellent entraîneur. Je pense que son basketball va faire que les joueurs vont lui donner son respect. Okay. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Danny. Ouais. C'est pas Tyronn Lue, c'est un bon entraîneur, mais c'est aussi une personnalité, c'est un ancien joueur. Il demandait du respect pour plein de raisons. Mais Frank Vogel est un meilleur entraîneur de basketball, selon moi, que Tyronn Lue. Okay. Par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à qui il est. Et puis, faut pas oublier Jason Kidd, ça fait partie de l'organisation aussi, des Lakers maintenant. Ben, c'est sûr, puis c'est ce que Jason Kidd va... Mais là, écoute, c'est sûr que si tu amènes ce paquet de vedettes-là, on va moins parler de Jason Kidd, hein? J'ai l'impression. Ouais, ouais. Ouais, effectivement. Pascal, il me reste un point, je vais te parler de Tony Parker qui a annoncé sa retraite. Tony Parker qui est, de loin, je pense, le meilleur joueur français de l'histoire du basketball, hein? Ben, on peut lui donner ce titre-là avec Poris Diab, mais Tony Parker avec ses championnats, 5 championnats NBA. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, j'étais assis avec sa famille au repêchage en 2001. Okay. J'ai côtoyé un petit peu. Écoute, c'est tout un joueur, toute une carrière. J'étais juste un peu déçu de la façon qu'il a fait ça. J'aurais aimé ça qu'il fasse ça peut-être aux Champs-Élysées avec les médias à la fin. Mais à l'image des Spurs et à l'image de Tony Parker, c'est pas quelqu'un c'est pas une vedette, c'est pas un gars qui se prend c'est une vedette, mais c'est pas quelqu'un qui se prend pour une vedette. Quelqu'un de humble, de simple. Et puis moi je pense qu'on va le voir comme assistant entraîneur. Il va faire partie de l'organisation des Spurs. Et il est propriétaire d'un club en France. Ouais. Je pense que ça s'appelle l'Asvel. Tony Parker, tout, chapeau, toute une carrière de basketteur. Okay. Pascal, on s'en reparle jeudi, deux fois cette semaine, parce que c'est le repêchage jeudi. Absolument. On va parler de Pascal Jobin qui nous parle de l'NBA.